إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 28 dans l'explication de Al-Arba'un al-Nawawiyya, les 40 hadiths rassemblés par l'imam al-Nawawi. Et le hadith qu'on va lire aujourd'hui, c'est le hadith 19, le hadith al-tasi'a-achar, an-abil Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, قال, كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال, يا غلام, إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة, وعليكم السلام ورحمة الله, واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف, رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي, احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئك, واعلم أن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرا. C'est un des grands hadiths de l'islam. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas, comme j'ai dit, radiyallahu anhu, il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh mon garçon, je vais t'apprendre quelques paroles. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, c'est le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils de Abbas. Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le petit cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il était assis derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, oh mon garçon, je vais t'apprendre quelques paroles. Souviens-toi d'Allah, ou préserve Allah, et il va te préserver. Préserve Allah subhanahu wa ta'ala, ou souviens-toi d'Allah, ou bien préserve les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, il va être devant toi, tu vas le trouver devant toi. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu cherches de l'aide, cherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que la Ummah, si elle s'est réunie pour te faire un bien quelconque, ils ne pourront te faire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi comme bien. Et si les hommes se réunissent pour te faire un mal quelconque, ils ne pourront te faire comme mal que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. La plume a été soulevée et les pages ont séché. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et c'est un hadith hasanun sahih. Et l'imam, autre que, ça c'est rapporté par al-Tirmidhi, et il y a une autre version de ce hadith qui est rapportée par autre que l'imam al-Tirmidhi, qui dit, ihfazillah, tajidhu amamak. Préserve Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit préserve les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala tu vas le trouver devant toi. Connais Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu as de l'aisance, et lui, il va te connaître, ou bien il va se souvenir de toi lorsque tu auras de la difficulté. Et sache que peu importe la chose qui t'a manqué, que tu as manqué, que tu n'as pas, qui ne t'a pas atteint, sache que cette chose-là ne devait pas t'atteindre, hein. Ma akhta'aka lam yakun yusibak, ce que tu n'as pas reçu, tu ne devais pas l'avoir, ou ce qui ne t'a pas atteint, tu ne devais pas t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, hein. Et sache que la victoire est avec l'endurance et la patience, la délivrance vient avec le malheur, et la facilité vient, la difficulté, avec la difficulté vient la facilité. Donc ça c'est le hadith en question. Et il est rapporté par, comme on a dit, l'imam al-Tirmidhi, et il est aussi rapporté par d'autres parmi les imams du hadith. Donc, on va expliquer maintenant ce hadith-là avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan. Le Cheikh dit, « هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قال هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير فكان آية من آية الله في العلم وفي الفقه وفي تفسير القرآن حتى لقب بترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه وكان طفلا صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم ومع هذا أعطاه الله هذا العلم الغزير وهذا الفهم العظيم ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit pour commencer que ce hadith il est rapporté selon le petit cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent des du'as pour lui, il faisait souvent des du'as pour Abdullah ibn Abbas, et parmi les du'as qu'il faisait par exemple, il a dit « Oh Allah, donne-lui la compréhension de… » Wa alaykoum salam wa rahmatullah. « Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et apprends-lui le ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation du Coran, le tafsir. » C'est ce que ça signifie. Donc, il fut un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la science de l'islam et la compréhension de l'islam. Et dans le tafsir du Coran également. À un tel point qu'on l'a même nommé Turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire l'interpréteur du Qur'an. Et Hibr al-Umma, ou Habr al-Umma, c'est-à-dire le grand savant de la Umma. Okay? Fakana Tiflan Sahiran, c'est un petit garçon à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Abdullah ibn Abbas n'avait même pas encore atteint la puberté. N'avait même pas encore atteint l'âge de la puberté au moment de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était un jeune, hein, c'était un jeune enfant, un jeune garçon à l'époque, et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une grande science et une grande compréhension de l'islam par la bénédiction du dua du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui. فقال sallallahu alayhi wa sallam, ya ghulam, الغلام هو الصغير وهذا فيه دليل على العناية بالصغار وتوجيههم إني أعلمك كلمات يعني يسيرة يعني كلمات يعني يسيرة لكنها كلمات جوامع لأن كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ككلمات غيره وهذا فيه أن العلم يؤخذ من أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا يؤخذ كلمات يسيرة أول شيء ثم ينمو ويزداد وليس يؤخذ العلم دفعة واحدة. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit oh jeune garçon, ya ghulam. Ghulam c'est un jeune garçon en arabe, un petit garçon l'appelle ghulam, ok? Et ça c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup d'attention pour les jeunes, pour les enfants, et il s'occupait d'eux. Hein, c'est pas comme quelqu'un qui dit ah les enfants allez jouer ailleurs ou laissez-moi tranquille. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait de l'intérêt et de l'attention envers même envers les petits, hein, même envers les enfants comme Mamadou, mashallah, barakallahu fik. Donc, c'est des exemples, ok? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait des conseils, leur donnait des orientations, il leur parlait, il leur expliquait des choses, malgré leur jeune âge. Donc, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh mon jeune garçon, je vais t'apprendre quelques bonnes paroles, je vais t'apprendre quelques bons mots, hein, quelques phrases. Et, c'est-à-dire des phrases qui sont simples, qui sont très courtes, mais qui contiennent beaucoup de significations, qui contiennent de grandes significations et de grands sens. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles ne sont pas comme les paroles de n'importe qui, elles contiennent beaucoup de science, et c'est pour ça que cette science-là, il faut l'apprendre petit à petit. Il faut y aller graduellement, hein. Tu commences petit par petit, et puis ça augmente, et puis ça devient de plus en plus grand, et donc c'est comme ça que la science, elle s'apprend. Tu ne peux pas apprendre la science d'un seul coup, ok. Après, le cheikh dit, « قال احفظ الله يحفظك » احفظ الله يعني احفظ دينه احفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه احفظ محارم الله باجتنابها وهذا حفظ الله لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى حفظ هو الذي يحفظ الناس ويحفظ الخلق والكون إنما المراد أنه يحفظ دين الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit, yani, que احفظ الله. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit préserve Allah subhanahu wa ta'ala, il va te préserver. C'est-à-dire préserve la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, garde la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, préserve Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il t'ordonne de faire et en abandonnant les choses qu'il t'a interdit de faire. Préserve toi des choses que Allah t'a interdites. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Préserve-toi des choses que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdites en t'en écartant. Préserve Allah subhanahu wa ta'ala parce que, quand on dit en fait préserve Allah dans le sens que préserve sa religion. Puis c'est lui en fait qui te protège en fait et qui te préserve. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de te préserver. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui préserve les gens et qui les garde et qui les protège. Et qui préserve toute cette création et tout cet univers. Donc, quand on dit, en fait, de préserver Allah, on parle ici de préserver sa religion, de la garder, sa religion, de la pratiquer, de rester accroché à cette religion-là. وَقَوْلُهُ اِحْفَظِ اللَّهِ هَذَا مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ وَيَحْفَظُكِ يعني هَذَا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ فَهُوَ جَزَاءٌ وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ فَإِذَا حَفِظْتَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُكَ يحفظك مما تكره في دينك ودنياك فهذه ثمرة حفظ الله وحفظ أوامره ونواهيه. Donc le cheikh il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit préserve Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire, ça c'est de ton côté à toi, qu'est-ce que toi tu dois faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. يحفظك, par la suite c'est yani, Allah qui va te préserver, ça c'est et ce qu'il va faire pour toi par la suite, si tu le fais. Donc c'est comme ça en réalité, c'est ce que toi tu fais, c'est comme ça que tu vas être rétribué. Hein, si tu fais le bien, tu vas recevoir le bien, si tu fais le mal, tu vas recevoir le mal en rétribution. Al-jaza min jins al-amal, en arabe on dit al-jaza ou min jins al-amal, c'est-à-dire que la rétribution, elle est de la même catégorie que l'action, ou que le travail que tu fais. D'accord? Tu vas avoir ce que tu à semer, tu récoltes ce que tu sèmes, hein, c'est ça. فَإِذَا حَفِظْتَ اللَّهِ, donc si tu as préservé et tu as gardé les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te préserver de ce que tu n'aimes pas et de ce qui est mauvais pour toi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver dans ta religion et dans ta dunya. Et ça, c'est le fruit du fait que tu as préservé Allah subhanahu wa ta'ala, tu as préservé ses ordres et ses interdictions. Ok, c'est-à-dire tu as préservé ses ordres en faisant ce qu'il t'ordonne et tu as préservé les interdictions dans le sens que tu t'en es écarté. ثم قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله هذا تأكيد تجده تجاهك الأولى يحفظك وهذه تجده تجاهك يعني أمامك وهذه رواية وفي رواية تجده أمامك بمعنى أن الله جل وعلا قريب من عباده سبحانه وتعالى وأيضا هو جل وعلا يبادر إلى مثوبة عباده كما في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا بمعنى أن الله يبادر سبحانه يبادر بالإثابة لمن أطاعه فحفظ الله جل وعلا له فائدتان الأولى أن الله يحفظك والثانية أنك تجده قريبا منك Donc le cheikh explique la suite du hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répète encore une fois garde Allah subhanahu wa ta'ala ou préserve Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est pour confirmer la première quand il l'a dit la première fois la deuxième fois c'est pour confirmer il a dit deux fois il a dit ihfazillah yahfazuk ça c'est la première fois préserve Allah, Allah va te préserver la deuxième fois il a dit ihfazillah tajidhu tujahak préserve Allah subhanahu wa ta'ala tu vas le trouver devant toi. Hein? Et dans une autre narration, il dit Tajidhu amamak. C'est la même signification. C'est dans le sens que si tu préserves les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver que Allah subhanahu wa ta'ala va être près de toi. Ok? Et donc, le cheikh il dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment que le serviteur il se précipite vers son créateur, vers son Seigneur et qu'il l'adore, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il se précipite vers lui. Pour le récompenser et pour le préserver. Donc, il mentionne un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim justement, qui est un hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que ça ne fait pas partie du Coran. D'accord? Donc, Al-Hadith Al-Qudsi, c'est ça. Et dans ce hadith Qudsi, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Hein, il dit, celui qui se rapproche de, si mon Seigneur se rapproche de moi, de la longueur d'une coudée, ou de la longueur d'une main, je me rapprocherai de lui de la longueur d'une coudée, ou de l'avant-bras. Donc c'est pour montrer que toi tu fais un petit effort vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il va également venir vers toi dans le sens que il va accepter ton effort et il va te guider encore plus, il va te donner la récompense de ça. Donc, toi tu fais un petit effort vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui, il te donne le double. Il te donne le double de l'effort que tu as fait. Donc, par exemple, il dit, et si celui qui marche vers moi, je vais vers lui en courant. Donc c'est pour montrer que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une grande miséricorde envers ses serviteurs. Hein, et que, même si toi tu fais pas tout l'effort que tu devrais faire, quand même, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'oublie pas et il vient, il fait pour toi, yani, plus que qu'est-ce que toi tu fais pour lui. Hein? Dans le sens que, il t'aide, hein? Et il te récompense. Il récompense celui qui l'obéit, hein? Et en même temps, il le préserve. Et donc, le fait de préserver les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a deux bienfaits. Le premier bienfait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver, hein? Et le deuxième bienfait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va être près de toi. Près de toi, par le fait qu'il va t'aider et il va te supporter dans tes difficultés. et dans ta religion, et ainsi de suite. قال صلى الله عليه وسلم, إذا سألت فاسأل الله. إذا طلبت شيئا فاطلبه من الكريم المنان سبحانه الذي عنده خزائن السماوات والأرض. ولا تسأل الناس وسؤال غير الله على نوعين الأول سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر كالذين يدعون الأموات ويستنجدون بالموتى ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج فيأتي أحدهم عند القبر ويقول يا فلان أغثني يا فلان كذا وكذا يا ولي الله أعطني كذا هذا الشرك أكبر لشيخ الزي puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsque tu demandes quelque chose demande à Allah c'est à dire que si tu demandes quoi que ce soit demande-le de Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-karim le généreux al-mannan celui qui donne de ses grâces hein, de façon sans calculer il donne de ses grâces à ses serviteurs hein. Donc il a les trésors des cieux et de la terre. hein, c'est à lui que ça appartient, les trésors des cieux et de la terre. Donc si tu veux quelque chose, demande à lui, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ne demande pas aux hommes, hein, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de demander à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de deux catégories. La première catégorie, c'est de demander quelque chose à autre que Allah, dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, et que seul Allah a le pouvoir de faire. Ça c'est le premier exemple. Et ça c'est une forme de shirk majeur. C'est une forme d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, c'est une forme de shirk majeur. Et c'est comme par exemple quelqu'un qui va aller voir des êtres qui sont morts, et qui va leur demander des choses, qui va les appeler au secours lorsqu'ils ont des malheurs, qui va leur demander des choses qu'ils ont besoin. Par exemple, quelqu'un qui va dire, hein, à la tombe d'un mort, qu'il croit être un saint ou un homme pieux, il va le voir et lui dit, hein, donne-moi la santé parce que je suis malade, ou donne-moi de l'argent parce que je suis pauvre, ou aide-moi dans tel ou tel problème que j'ai dans ma vie, ou des choses de ce genre. Hein, celui qui fait ça, et qui va voir un mort, et qui lui demande ce genre de choses-là, et qui dit, oh, un tel, aide-moi, ou viens à mon secours, hein, ou oh, un tel, etc. Alors, celui-là, il a commis un acte de shirk majeur. Hein, il a détruit sa foi en l'islam, il a commis quelque chose qui détruit son tawhid, et qui le fait sortir de la religion musulmane. Il devient un mushrik en faisant ça. Parce qu'il invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala. الثاني سؤال الناس فيما يقدرون عليه. هذا جائز. Donc si quelqu'un il invoque, comme on a dit, quelqu'un qui est mort, le mort il peut rien faire pour toi, hein, parce qu'il est mort. Si tu demandes à quelqu'un qui est devant toi, est-ce que tu peux aller chercher un verre d'eau pour moi, ça c'est pas du shirk, parce que toi t'es capable, t'es devant moi, t'es capable d'aller et de chercher de l'eau et de le ramener. Hein, ça c'est pas du shirk, ça c'est quelque chose qui est halal, qui est mubah, qui a pas de problème là-dedans. Mais le mieux c'est d'éviter de demander quand même. Hein, mubah, ça veut dire quelque chose qui est permis. C'est-à-dire, si tu le fais, tu vas pas être récompensé, dans le sens que si tu c'est une action ordinaire. C'est-à-dire, c'est pas une action qui est ordonnée par l'islam, c'est pas une action qui est interdite non plus par l'islam. Mais si tu le fais avec la bonne intention, ça va être une bonne action, oui. Mais si tu le fais sans intention particulière, tu ne seras pas puni, tu ne seras pas récompensé. Si tu le fais pas, tu ne seras pas puni. Et si tu le fais, tu ne seras pas récompensé si tu le fais sans l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, ça c'est un exemple. Donc, le Cheikh, c'est ça qu'il dit comme deuxième catégorie. الثاني سؤال الناس فيما يقدرون عليه وهذا جائز. فيجوز لك أن تسأل إذا احتجت ولكن الأولى بالعبد أن يتعفف عن سؤال الناس لأن في السؤال مذلة ونقصا في التوحيد فاسأل الله جل وعلا الغني الكريم فهو سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc le chef il dit comme deuxième exemple, qu'est-ce qu'on a mentionné, le fait de demander des choses aux hommes dans ce qu'ils sont capables de faire, dans ce qu'ils sont capables de faire, ça c'est pas de shirk, ça c'est permis, d'accord. Et il y en a des gens de bid'a parmi les mushrikins aujourd'hui qui mélangent entre ces deux catégories là. Ils essaient de faire comprendre aux gens que il n'y a pas de différence entre les deux. Hein. Donc quand eux ils disent d'invoquer les morts et d'appeler les saints, ça c'est pas du shirk. Parce qu'ils disent si c'était du shirk, alors on n'a pas le droit non plus de demander à quelqu'un quelque chose dans la rue ou d'appeler quelqu'un à l'aide qui est près de toi. Hein. Et ça bien entendu c'est le fait de mélanger le vrai et le faux ensemble. Et c'est des gens malheureusement qui cherchent des excuses ou des façons de justifier le shirk qu'ils font. Et bien entendu, tout le monde, parmi les hommes intelligents, les êtres humains qui ont une raison, hein, qui ont un minimum d'intelligence, ils sont capables de voir la différence entre le fait de demander quelque chose à un mort ou de demander quelque chose à un être qui est vivant et qui est présent et qui est capable de faire ce qu'on lui demande de faire. Hein. Donc ça c'est l'exemple. Le cheikh dit, c'est permis de demander à quelqu'un, lorsque tu as besoin de quelque chose, si la personne est présente. Toutefois, c'est encore mieux de s'abstenir et de le faire. Et de ne demander rien à personne, même dans ce qui est permis. Dans le fait que tu, disons, tu veux pas, avoir besoin de personne, de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que quand tu demandes, c'est comme si tu te rabaisses un peu. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la main qui donne est plus haute que la main qui reçoit. Et donc, le fait de demander, même quand c'est permis, il y a quelque chose dedans qui fait qu'il y a une sorte de rabaissement. Et donc, dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas demander rien à personne. Et parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a parmi eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris l'allégeance d'eux. Il avait pris la bay'a, hein, quand ils sont convertis à l'islam, il leur a donné une bay'a. Et parmi les conditions ou les clauses de cette bay'a, c'est qu'ils ne devaient rien demander à personne, quoi que ce soit, même dans qu'est-ce qui est halal. Et donc, certains d'entre eux, parmi ceux-là, il y avait Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il faisait partie de ceux-là. Et les sahab ont dit que même parmi ceux-là, même quand quelqu'un d'entre eux était sur son chameau et qu'il échappait son bâton, hein, il demandait même pas à quelqu'un de le ramasser pour lui, Il faisait descendre son chameau, il faisait s'asseoir son chameau, il descendait, il prenait, puis il remontait encore une fois. Et monter sur un chameau, c'est pas aussi facile que monter sur une bicyclette, hein, ou monter, dans une voiture. Un chameau, là, pour qu'il monte et pour qu'il s'assoie et pour qu'il se lève, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour te dire à quel point il voulait rien demander à personne. Rien demander à personne du tout, hein. Juste à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est, disons, un niveau plus élevé, hein. Quand quelqu'un, il demande rien à personne, même dans les choses permises. Là, dans ce cas-là, cette personne-là, elle garde toujours sa dignité, son respect, hein, parce qu'il demande rien à personne. Ouais, ben, dans le sens que, comme je te dis, c'est pas interdit. Tu vois, s'il en a vraiment besoin, si c'est nécessaire, il n'y a pas de problème. Mais s'il peut s'abstenir de le faire, c'est encore mieux. C'est ça que ça veut dire, en fait. Tu vois, c'est pas une question de permis ou non, c'est une question de tu veux faire qu'est-ce qui est mieux ou non. C'est seulement ça la différence. Et donc, on en reparlera peut-être des autres détails par rapport à la question de demander, quand est-ce que c'est permis, quand est-ce que c'est pas permis, puis quand est-ce que c'est mieux, quand est-ce que c'est mieux de pas le faire, mais là c'est juste pour donner, disons, une compréhension générale à ce sujet-là. Donc, le cheikh, il dit que même le fait de demander dans les choses qui sont permises, c'est une sorte de rabaissement, et puis c'est aussi, une forme de défaillance dans ton tawhid, une sorte d'imperfection dans ton tawhid. Donc, si tu veux demander quelque chose, demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque dernier tiers de la nuit, quand il y a juste un tiers à la nuit, avant le lever de soleil, avant le subh, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier des cieux, au plus bas des cieux. Et il demande à ses serviteurs, qui veut me demander pour que je lui donne? Qui veut me demander pour que je l'exauce? Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Hurayra, c'est un hadith sahih. Hein? Donc, ça c'est un exemple. Et le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 186 dans Surat Al-Baqarah, et si mon serviteur te demande à mon sujet, alors je suis prêt, hein, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui me demande lorsqu'il me demande, lorsqu'il m'invoque. Alors, répondez à mon appel, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi pour qu'il soit bien guidé. Hein? Et ensuite, le cheikh dit, وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ الْاِسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْعَوْنِ قَالَ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ فَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الْعِبَادَةِ وعطفها على العبادة من نوع الخاص على العام للاهتمام بها وإلا فهو نوع من العبادة والاستعانة مثل السؤال والاستعانة مثل السؤال إذا كانت الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر وإذا كانت الاستعانة بالمخلوق في شيء يقدر عليه فهو جائز فهو يجوز لكن تركه أحسن لأن فيه ذلة وحاجة إلى الناس وكونك تستغني بالله عز وجل هذا أفضل لك لشيخ الذي Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, si tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah. En premier, il a dit, si tu demandes quelque chose, demande à Allah. Si tu cherches de l'aide, cherche de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de demander de al-isti'ana, ça veut dire de demander de l'aide. Okay? Isti'ana, ça veut dire demander de l'aide. Ça vient de al-aoun en arabe. Al-aoun, c'est de l'aide. Wa yamna'un al-ma'un. Al-ma'un, al-aoun, c'est toute la même racine, ok? Mais al-isti'ana, c'est de demander quelque chose. Et quand on dit istif'al en arabe, demander quelque chose, et là ici c'est al-aoun, donc c'est demander de l'aide. Et donc, il mentionne le verset 5 dans Surat al-Fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Iyaka nasta'in. Donc c'est une forme d'adoration, hein? Et le fait qu'il est mentionné dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne l'adoration et puis après il mentionne une adoration plus particulière, hein? C'est-à-dire que les deux sont, premier Allah il dit c'est toi seul que nous adorons, hein? Il nous a appris ce dua pour qu'on l'invoque par ce dua là, hein? Qu'on dit à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi seul qu'on adore. Et c'est toi seul à qui on demande de l'aide. Demander de l'aide, c'est une adoration. Donc c'est comme si on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on dit à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui seul qu'on adore, et après, c'est à lui seul qu'on demande de l'aide. C'est une forme plus particulière d'adoration. Et comment il dit le chef, il dit, « Mimbab, atf al-khas » Souvent il y a des versets comme ça dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne une chose qui est générale puis après il mentionne une chose qui est plus particulière juste après pour donner plus d'importance ou d'emphase à cette adoration là, tu vois. Sinon c'est une catégorie d'adoration comme les autres et c'est la même chose que qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure, le fait de demander, c'est la même chose, les mêmes règles qui s'appliquent à l'isti'ana que qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure de demander de demander à une créature. Si on demande de l'aide à une créature dans ce que seul Allah est capable de faire, alors dans ce cas-là, ça devient du shirk. Mais si on demande de l'aide à une créature dans quelque chose qu'il est capable de faire, alors dans ce cas-là, c'est pas du shirk. Mais c'est mieux de ne pas le faire, comme on a dit tout à l'heure, parce que il y a une sorte de rabaissement là-dedans. Et d'avoir besoin des gens. Et c'est mieux de s'abstenir d'avoir besoin des gens et de, comment je pourrais dire, de demander à Allah seul. Ça c'est mieux encore. Et le cheikh il dit ensuite, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama' al-khalq kulluhum ala an yanfa'uk bi shay' لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك أي قدره وكتبه لك في اللوح المحفوظ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وأن الناس لا يقدرون على أن ينفعوك أو يضروك إلا بما كتبه الله لك على أيديهم من نفع أو ضر فهو سبب فقط فهم سبب فقط أما النفع والضار أما النافع والضار فهو الله جل وعلا إذا أمرهم نفعوك إذا أمرهم الله نفعوك وإذا لم يأمرهم الله لم ينفعوك وإذا أمرهم ضروك فعليك بالإيمان بالقضاء والقدر. Donc le cheikh il mentionne la suite du hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, après avoir dit, demande, si tu dois demander de l'aide, demande l'aide à Allah. Il dit par la suite, et sache que si tous les hommes se réunissaient, hein, toute la créature se réunissait ensemble pour te faire un bien quelconque, hein, et pour te profiter d'une façon quelconque, il ne pourrait rien faire excepté pour, il ne pourrait rien faire pour toi excepté ce que Allah a écrit. Et ça, il faut en être convaincu. Il faut arriver à réaliser ça, puis à être convaincu de ça. Pas seulement de dire, ah oui, j'y crois. Il faut arriver à la conviction à ce sujet-là. Et, c'est-à-dire de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui t'arrive dans ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prédestiné. Hein? C'est-à-dire, il l'a su, et il l'a écrit. Hein? Il l'a prédestiné pour toi. Et il l'a voulu. Il l'a écrit dans les tables préservées. La table préservée, c'est Al-Lawh Al-Mahfouz. Et il dit, et si les hommes se réunissaient pour te faire un mal quelconque, ils ne pourraient rien te faire de mal, excepté ce que Allah a écrit contre toi. Hein? Donc, il n'y a rien qui peut dépasser ça. Hein? Donc, ça c'est la foi, hein, la prédestination et le décret divin. Et les hommes, hein, ne pourront rien te faire de bien ou de mal, excepté ce que Allah a écrit. Hein? Et ça, ça t'amène, barakallahu fik, un verset comme le frère il dit dans le Coran, dans surat al-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا » Donc c'est ça. Il n'y a rien qui peut nous atteindre, excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour nous. Et ça, d'être convaincu de ça, ça t'amène à être courageux. Hein? Ça t'amène à être courageux et à avoir peur de personne. Et à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de faire, peu importe ce que les gens vont dire ou vont penser. Hein? Parce que tu sais que peu importe, il n'y a rien qui peut t'arriver. Hein? Et les sahaba, quand ils allaient dans le combat, par exemple, quand ils faisaient le djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient qu'il n'y avait pas une flèche, peu importe, il y en a qui la lance, ils savaient qu'il n'y avait pas une flèche qui pouvait les atteindre, excepté si Allah l'a écrit. Donc ils étaient très courageux sur le terrain de bataille. Ils n'avaient pas peur de l'ennemi. Vas-y. On a parlé de ça déjà dans le cours, je pense, de Kitab al-Tawhid, quand on a parlé de Al-Adwa. On a parlé de Al-Adwa, ça veut dire la contagion. Ok? Puis on a expliqué que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'y a pas de Adwa, la Adwa. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire par là. C'est l'exemple de l'homme qui avait un chameau, hein, et il a dit au messager d'Allah, tu dis qu'il n'y a pas de contagion, mais quand on a un chameau qui est malade, on le met avec les autres, et puis les autres tombent malades aussi. Et comment tu peux nier, ou comment tu peux dire qu'il n'y a pas de contagion? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu au bedouin, il lui a dit, et qui a rendu malade le premier? Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide, qui tombe malade, qui ne tombe pas malade. Hein? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, à cause de cette, par rapport à cette chose-là, il a dit, si vous êtes dans une ville et qu'il y a la peste, sortez pas. Et si vous allez vers une ville et que vous entendez qu'il y a la peste dans la ville, n'entrez pas. Hein, pour éviter que ça se propage. Et ça, ça fait partie de prendre les moyens nécessaires pour éviter qu'un mal te touche. D'accord? Et le fait de prendre le vaccin, c'est un moyen aussi dans le fait d'éviter que cette maladie-là t'atteigne. Ou si elle va t'atteindre, elle va t'atteindre de manière moins forte. Hein, et ça, dans ce cas-là, ça, c'est pas interdit de prendre le vaccin. D'accord? Et donc, ça fait partie de prendre les moyens nécessaires. Et puis, même il y a une fatwa qui a été faite dernièrement, j'ai eu un frère qui me l'a envoyé par rapport au Hajj et à la Umrah. Il y en a qui disaient, par exemple, que le fait d'aller au Hajj, étant donné que cette maladie-là risque de se propager beaucoup là-bas, Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est mieux dans ce cas-là, si c'est réel, si vous craignez vraiment que ça puisse se propager dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas y aller, de remettre le Hajj à une autre année, à une année après. Donc, ça c'est par rapport à cette question-là. Non. Non, non. Non, le vaccin, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai entendu dire ça. Mais bon, Allahu a'lam. C'est pas le premier vaccin qui existe. C'est pas le dernier. Il y en a eu plein. Puis, qu'est-ce qu'ils font avec le vaccin? Ils te donnent une partie du virus, mais affaibli ou bien mort. Et puis, comme ça, ton corps crée des anticorps. Comme ça, quand t'as le virus, ton corps va être déjà prêt à réagir si ça arrive. Mais bon, de toute façon, ça c'est juste une cause, hein, un moyen qu'on prend, mais il ne faut pas mettre notre confiance en ce vaccin-là. Tu peux prendre le vaccin puis tu vas être malade quand même, comme tu peux ne pas le prendre puis pas l'avoir. Donc, c'est pour savoir que tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle, mais si tu prends l'asbab, c'est pas contraire à ta foi, c'est pas contraire à au tawhid. D'accord? Wallahu a'lam. Après, le Cheikh il dit, donc comme on était rendu à que ça fait partie de al-qadar wal-qadar, de croire que tout ce qui t'arrive de bien ou de mal, ça a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, et que les hommes, peu importe qu'est-ce qu'ils font, ils se réunissent tous ensemble pour te faire quelque chose de bien ou de mal, ils ne peuvent rien te faire excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Et donc les hommes sont seulement une cause, un moyen, c'est tout. Hein? Mais celui qui peut te profiter ou te nuire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux hommes de te faire un bien, ils vont te faire du bien. Si Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux hommes de te faire un mal, ils vont te faire, ou de ne pas te profiter, ou de te faire un mal, ils vont te faire un mal. Donc, mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et crois en la prédestination et en le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف معناه أن قضاء الله قد قدر وانتهى ولن يغير فإن القضاء الذي قدره الله لا يغير. قوله رفعت الأقلام أي أقلام كتابة القضاء والقدر، وجفت الصحف التي كتبت فيها المقادير، فهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وهو وصية لابن عباس وغيره أنه يؤمن بالقضاء والقدر. فإذا آمن العبد بالقضاء والقدر فإنه يستغني بالله عن سؤال الناس وعن الاستعانة بالناس في الغالب. لشيخ الزي في ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la plume a été soulevée et les pages ont séché. Ça veut dire que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala est terminée et il ne va pas changer. Hein? Le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'a décrété, qui l'a prédestiné, il ne va jamais changer. Et c'est pour ça qu'il dit « Rufi'at al-aqlam », c'est-à-dire les plumes, hein, par lesquelles on a écrit le décret et la prédestination, elles ont été soulevées, et les pages sur lesquelles ces prédestinations-là et ces destinées-là ont été écrites, eh bien, elles ont séché. Donc ça compte, ça signifie qu'on doit croire au décret et en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abdullah ibn Abbas et à tout le monde en dehors de lui. C'est pas seulement à lui ce conseil-là, c'est pour tout le monde, hein, c'est pour tous les musulmans, tous les gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils suivent ce conseil-là. Donc si le serviteur croit en la prédestination et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il va sentir que Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit, et il va s'abstenir de demander aux créatures et de demander l'aide des hommes. Hein, en général, c'est comme ça. Plus ta foi en Allah est forte et que tu as la conviction en la prédestination et en le décret d'Allah, plus tu t'abstiens de demander quoi que ce soit à quiconque. وفي الرواية الثانية قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أي كن قريبا من الله في جميع أحوالك في حال رخائك وعدم حاجتك لا تلتفت عن الله جل وعلا كن قريبا من الله بطاعته وترك معصيته قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فإذا استغنى الإنسان نسي الله عز وجل وظن أنه ليس بحاجة إلى الله فإذا مرض لجأ إلى الله وإذا صح شفي نسي الله عز وجل فهذه حالة سيئة تدل على ضعف الإيمان لشيخ الدين Dans la deuxième narration de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou reconnais Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance, comme ça, lorsque tu auras des moments de difficulté, il va se souvenir de toi, il va se rappeler de toi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va être près de toi en tout moment, dans toutes tes situations. Donc, quand tu vas être dans les moments d'aisance, et quand les tu es dans les moments où tu n'as aucun besoin, ne te détourne pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Quand on n'a pas besoin de rien, on a de l'aisance, on est en bonne santé, on ne pense pas à Allah. Puis, il nous arrive un malheur, tout d'un coup, on se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas correct. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand tu as des moments d'aisance, ne te détourne pas d'Allah. Reste avec ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et sois prêt d'Allah subhanahu wa ta'ala par ton obéissance et par le fait que tu t'éloignes de ses interdictions. Et il mentionne le verset Kalla inna l'insana la yatra arra'ahu stagna, le verset 6 et 7 dans Surat al-Alaq, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit non, certes, l'être humain transgresse parce qu'il se croit suffisant à lui-même, il croit qu'il n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'être humain, quand il pense qu'il peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il oublie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la conséquence. Quand il pense qu'il se suffit à lui-même, qu'il n'a pas besoin d'Allah, il oublie Allah. Puis quand il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est malade, il demande à Allah et il pleure et il fait des longues prières et etc. etc. Quand il est malade, il pleure, il demande à Allah, il se lève la nuit, il prie, il fait des doigts. Quand il est en bonne santé, il oublie, il ne se souvient plus d'Allah. Ça, c'est la preuve qui indique que quelqu'un a une foi faible. Le cheikh il dit ça, c'est qu'est-ce qui indique que la personne a une foi faible, et donc ça, c'est une mauvaise état, mauvaise situation d'être comme ça. فقوله يعرفك في الشدة يعني إذا وقعت في خطر وفي شدة وأنت مطيع لله في حالة الرخاء فإن الله ينقذك بأعمالك الصالحة مثل حديث أصحاب الصخرة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخروج لما كانت لهم أعمال صالحة سابقة خرج الله عنهم فهذا توسل الله إلى توسل إلى الله ببره بوالديه وهذا توسل إلى الله جل وعلا بتركه الزنا خوفا من الله وهذا توسل إلى الله بأمانته وحفظه لأجرة الأجير الذي ترك أجرته عنده وذهب حفظها له ونماها فلما جاء أعطاه إياه ففرج الله عنهم. Le cheikh il donne l'exemple ici d'une bonne histoire. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas ensuite, يَعْلْفُكَ فِي الشِّدَّةِ. Si tu te souviens d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance, il va se souvenir de toi dans la difficulté. Et bien, il dit, ça signifie quoi? Ça signifie que si tu as un danger, tu as une difficulté, tu as un problème, et que lorsque tu étais dans les moments d'aisance et de facilité, tu adorais Allah et tu t'étais souvenu d'Allah, à cause de ça, Allah il va te sauver de ta difficulté, il va t'aider dans ta difficulté à cause de ton adoration que tu faisais dans les moments d'aisance. Et il donne l'exemple du hadith des trois hommes qui ont été enfermés dans une caverne. Yarhamukallah. Les trois hommes qui ont été enfermés dans une caverne, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Yani, ces trois hommes-là, ils sont rentrés dans une caverne, il y a une roche qui est tombée dans l'entrée, ils ne pouvaient plus sortir. Alors, les trois hommes, yani, ont mentionné des bonnes œuvres qu'ils avaient faites auparavant. Et Allah les a délivrés à cause de ça. Il y en a un d'entre eux, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par la bonté qu'il avait envers ses parents. Et le rocher s'est poussé un peu, mais pas complètement. Le deuxième, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'il avait abandonné le fait de faire la fornication, le zina, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert encore un peu plus le rocher. Puis le troisième, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il avait été honnête, il avait préservé le gage ou la chose que quelqu'un lui avait demandé de garder pour lui. Donc il avait du bétail, un homme avait du bétail, il est venu le voir, il lui a dit tiens, préserve ça pour moi. Et l'homme les a préservés pour lui, mais non seulement il les a préservés pour lui, mais il les a fait se multiplier, augmenter son troupeau. Quand il est venu, il a trouvé son troupeau était immense. Il a dit, ok, donne-moi ce que je t'avais laissé. Il a dit, tout ça c'est à toi. Elle a dit, tu te moques de moi. Il a dit, non, je ne me moque pas de toi, tout ça c'est à toi. Qu'est-ce que tu m'as laissé? Je l'ai augmenté, maintenant c'est à toi. Et il a donné ça à la personne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il aurait pu dire, ok, prends ce qui t'appartient, moi je garde le reste. C'est moi qui l'a fait augmenter. Il n'a pas dit ça. Il a fait augmenter son bien et il lui a tout donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour montrer la sincérité qu'il a eue. Et donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ouvrir complètement l'entrée de la caverne et ils sont sortis par la suite. Ils ont été délivrés à cause de ça. Wallahu jalla wa ala yaqul an ashab al jannah إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قبل ذلك هم في الدنيا وقال الله جل وعلا في يونس عليه السلام صاحب الحوت فلولا أنه كان من المسبحين يعني من المصلين في حالة الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أنجاه الله بسبب أعماله الصالحة التي أسبقها فالمسلم يعرف الله جل وعلا في الشدة والرخاء أما الكافر فلا يعرف الله إلا في حالة الشدة قال تعالى وإذا مس الضر في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أغرضتم إذا وقع الكفار في الخطر أخلصوا الدعاء لله عز وجل أما المؤمن فهو يعرف الله في كل الأحوال في حال رخائه وفي حال شدته الشيخ الذي الله سبحانه وتعالى il mentionne à propos des gens du paradis verset 16 à 19 dans sourate Al-Dhariyat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là, auparavant, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, ils étaient muhsinin, c'était des bienfaisants, des gens qui faisaient le bien, qui faisaient bien leurs actions, qui perfectionnaient leurs actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, durant la nuit, ils dormaient peu, ils faisaient des prières et des invocations. Wa bil asharihum yastaghfirun, et quand l'aube approchait, ils faisaient des invocations, demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans leur bien, il y avait un droit pour la personne qui demande, pour le mendiant et pour le déshérité. Donc, ça c'est leur description, ça c'est comment ils étaient dans la dunya, et voici comment Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés en les faisant rentrer dans le paradis. Et l'exemple de Yunus alayhi salam, hein, celui qui a été avalé par le poisson, qui a été avalé par le poisson dans l'eau. Il dit, Allah dans le verset 143 dans Surat As-Safat, hein, si il n'avait pas été du nombre de ceux qui font la salat et qui font les du'as et qui invoquent Allah, quand il était dans l'aisance, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection. Hein, mais Allah l'a sauvé à cause de ses bonnes œuvres qu'il faisait auparavant. D'accord? Donc le musulman, il doit connaître Allah dans la difficulté et dans l'aisance. Mais le kafir, lui, connaît Allah que dans les moments de difficulté. Hein? Et il mentionne le verset 67 dans Surat al-Isra, et lorsque le mal vous touche dans la mer, vous oubliez tout ce que vous adorez, excepté lui, c'est-à-dire excepté Allah. Tout ce que les mouchriquins adorent en dehors d'Allah, quand ils ont une difficulté sur la mer, ils ont peur de mourir, là ils oublient ces divinités-là, ils adorent que Allah. Puis quand ils retournent sur la terre ferme, ils se détournent. Donc, le chef il dit que les koufars, quand ils ont un danger, ils adorent Allah seul, ils invoquent Allah seul. Mais quand au mu'min, le croyant, eh bien lui, il se souvient d'Allah dans toutes les situations, que ce soit dans la situation de la facilité ou dans la situation de difficulté. Dans les deux situations, il se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر الإنسان يبتلى في هذه الحياة فتعرض له آلام ومشاق ومكاره ولكن عليه بالصبر لأن الشدائد تزول ولا تدوم فيقابل الشدائد بالصبر بالصبر عليها حتى يزيلها الله عنه ولا يجزع ولا يسخط أما إذا جزع الإنسان وسخط فإن الله يخذله. Le cheikh dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache que la victoire vient avec la patience et l'endurance. L'être humain, il va être éprouvé dans cette vie d'ici-bas. Et il va avoir toutes sortes de difficultés, de douleurs, de choses qu'il n'aime pas. Et donc, il faut qu'il fasse preuve d'endurance et de patience. Les difficultés, elles partent, elles ne durent jamais éternellement. Hein, ça va mal des fois, mais ça va pas toujours mal. À un moment donné, ça va mal, mais après, il y a du bien qui arrive après. Donc, il faut toujours se souvenir de ça. Et après les difficultés, quand il y a des difficultés, il faut affronter ces difficultés-là par la patience et de l'endurance jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous les enlève. Hein, et donc, il faut pas faire preuve d'impatience, il ne faut pas se mettre en colère, commencer à s'impatienter ou de se plaindre par rapport à ces difficultés-là, parce que celui qui fait preuve d'impatience et celui qui fait preuve qui se met en colère par rapport à qu'est-ce qui lui arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, il va yakhzuluhu, c'est-à-dire il va l'abandonner dans ces moments de difficulté-là, il ne va pas l'aider. وقال صلى الله عليه وسلم أن الفرج مع الكرب كلما اشتد الكرب تطلع إلى الفرج وذلك أن فرج الله قريب والله جل وعلا يقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فإذا اشتد الأمر فاعلم أن فرج الله قريب ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر مرة واحدة لأنه معرف بالألف واللام فهو عسر واحد واليسر منكر ومكرر مرتين يقتضي التكرار فكل عسر معه يسران وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى Le cheikh il dit que la délivrance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la délivrance, elle vient avec le malheur. Chaque fois que le malheur devient plus dur, ça c'est le signe que la délivrance elle est proche, que la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est proche. Et il mentionne le verset dans surat al-Shahr, dans le verset 5 et 6. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ. Avec la difficulté vient la facilité, certes avec la difficulté vient la facilité. Et il mentionne le verset 214 dans surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit jusqu'à ce que le messager et ceux qui croyaient avec lui disent « Quand viendra la victoire d'Allah ?» dit « Certes, hein, la victoire d'Allah est proche. » Donc lorsque les choses deviennent dures, deviennent difficiles, c'est là que la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Ne perds pas l'espoir, hein, ne désespère pas, ne perds pas l'espoir à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti une fois de chez lui et il était heureux, hein, il était content, il était heureux et il riait. Et il a mentionné, il a dit que une difficulté ne va pas dépasser deux facilités, ou bien deux facilités ne vont pas être écrasées par une difficulté. C'est-à-dire, pour chaque difficulté, il y a deux facilités qui viennent par la suite. Et il a mentionné le verset dans Surat al-Sharh, ou al-Inshirah, فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَ. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, certes, avec la difficulté vient la facilité. Dans ce verset-là, la difficulté, elle est mentionnée avec alif lam. Ça veut dire qu'elle est définie. Tandis que la facilité, elle est indéfinie. Donc, c'est la même facilité qui se répète deux fois. C'est la même difficulté qui se répète dans les deux versets, c'est la même. Tandis que la facilité, c'est deux facilités. Donc, ça veut dire pour chaque difficulté, il y a deux facilités qui viennent. Donc ça c'est ce que le cheikh a expliqué. Cheikh Al-Fawzan il dit ensuite فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِنسَانِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَضِيقَ بِهِ الْأَمْرُ أَبَدًا وَلَا يَقْنَطَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَنْ يَتَوَقَّعَ الْخَيْرَ مِنَ اللَّهِ دَائِمًا وَأَبَدًا وَلَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا سَالِمٌ بل لا بد أن يحصل عليه شيء من البلاء فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فعليه أن يقابل هذه الأمور بالصبر فإن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب والعسر يصبر عليه بانتظار اليسر من الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه لا يترك عبده أبدا ولكنه يبتليه ليظهر صبره وتحمله وإيمانه بالله عز وجل فهذا حديث عظيم ووصايا عظيمة وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بواسطة هذا الغلام المبارك. Donc le cheikh explique dans ce dernier paragraphe par rapport à ce hadith, il dit donc tout cela indique que l'être humain ne doit pas se sentir à l'étroit et il ne doit jamais se sentir à l'étroit ou bien dans le, quand le cheikh il dit ça, il dit en fait que il ne doit pas se sentir affligé en lui-même ou bien se sentir angoissé de qu'est-ce qui lui arrive, et il ne doit pas perdre l'espoir non plus, hein, et il doit espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala et penser qu'il y a du bien qui va arriver de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il doit être dans cette mentalité-là ou dans cette pensée-là tout le temps. Il doit toujours avoir cette pensée-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et anticiper que Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir du bien. Il n'y a personne dans le monde qui est exempté ou qui est yani, sauvé des épreuves. Tout le monde doit avoir des épreuves. Et il faut absolument qu'il y arrive à quelqu'un quelque chose d'épreuve, hein, parmi les épreuves. Et le Cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Darimi, Ahmad, Ibn Hibban, Al-Bazzar, Al-Hakim, Al-Bayhaqi et d'autres également, selon Sa'd ibn Abi Waqqas, qui dit que les gens qui auront le plus dur châtiment, les plus dures épreuves, les gens qui auront les plus dures épreuves, ce sont les prophètes, puis ainsi de suite. C'est-à-dire, à la tête de ceux qui ont les gens qui ont les plus dures et les plus grandes épreuves, ce sont les prophètes, puis ensuite, ça descend comme ça, plus la personne, diminue en piété, eh bien, plus son épreuve est moins grande et moins difficile. Hein? Donc, à la tête, ou le plus haut niveau, c'est les prophètes, c'est eux qui ont les plus dures épreuves, et puis ça descend par la suite selon le niveau de piété de la personne. Donc, plus une personne a une foi qui est grande, plus ses épreuves sont difficiles, et plus une personne, sa foi est faible, et plus ses épreuves vont être plus faciles et moins difficiles. Parce que l'épreuve est, relative à la foi de la personne. Donc, chaque chose qui t'arrive dans les épreuves de la vie, tu dois les affronter et tu dois faire face à ces épreuves-là avec de l'endurance, avec la patience. Parce que la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient avec l'endurance. Et la délivrance, elle vient avec les malheurs. Hein. Et al-usr, lorsque tu as des difficultés et que tu fais face à ces difficultés-là, eh bien, à partir de ce moment-là, tu dois faire preuve de patience face à ces épreuves-là, en attente de la facilité qui va venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas se dire, bon, ça y est, ça va mal, et ça va toujours rester comme ça. Non, ça c'est pendant un temps, puis une fois que la difficulté est finie, eh bien là, la facilité va venir. Hein. Et donc, ça c'est très important. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va jamais abandonner son serviteur, mais il va le mettre à l'épreuve pour faire sortir sa patience, pour faire sortir son endurance, pour faire sortir la capacité qu'il a à endurer, à supporter les difficultés, et également pour tester sa foi aussi, donc sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? C'est un grand hadith, et ça fait partie des grandes leçons et des grands conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné et qu'il a donné à la Ummah par l'intermédiaire de l'histoire qu'il a mentionnée ou des conseils qu'il a donné à ce jeune garçon, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, qui est un jeune garçon qui était béni, radiyallahu anhu. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-ci, et puis on continuera donc pour le prochain hadith demain, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته